tâche de comprendre, regarde juste dans mes yeux. Et si t'as envie que j'essaye de faire briller ton soleil, tu peux m'appeler quand tu veux. Il suffit d'une fois pour voir l'amour, certains parfois l'attendent toujours. Hélas de ressasser toutes les erreurs du passé, je t'aide à tirer un trait. Et n'oublie pas si tu hésites, le temps qui s'enfuit si vite est perdu à tout jamais. Il suffit d'une fois pour voir l'amour, certains parfois l'attendent toujours. Sans retour. L'amour est là, veux-tu saisir ta chance? Il faut parfois savoir croire aux romances. Quand vient le soir que ton cœur se languit, souviens-toi qu'il suffit d'une fois dans la vie. Si tu es las de ressasser toutes les erreurs du passé, je t'aide à tirer un trait. Et n'oublie pas si tu hésites, le temps qui s'enfuit si vite est perdu à tout jamais. Il suffit une fois pour voir l'amour, certains parfois l'attendent toujours, sans retour.